Madeleine non dupe. R. Ça ne veut pas dire que les dupes n'errent pas. Si nous partons de ce qui se propose comme une affirmation, entendez-vous? Entendez-vous comme ça? Si je suis en face du machin? Que la personne qui m'a dit qu'on n'entend rien répond. Est-ce qu'elle entend? Disons que c'est introduire par cette affirmation que les non-non-dupes pourraient bien, sans plus, ne pas errer. Mais déjà, ceci nous introduit à la question que pose la double négation. Être, n'être pas non dupe, est-ce que ça se ramène à être dupe? Ceci suppose et ne suppose rien de moins qu'il y a un univers. Qu'on puisse avancer que l'univers, tout énoncé, le divise, qu'on puisse dire l'homme, et que si on le dit, je veux dire de le dire, tout le reste devient non-homme. Un logicien, puisque j'avance que la logique, c'est la science du réel. Un logicien a fait un pas, bien longtemps, après Aristote, qu'il ait fallu attendre Boulle pour qu'en 1853 sorte An Investigation of Laws of Thought, une investigation sur les lois de la pensée, qui, sur Aristote, a déjà cet avantage d'être un pas, une tentative de coller à ce qu'il prétend observer, fonder en somme a posteriori comme constituant les lois de la pensée. Que fait-il? Il écrit très précisément ce que je viens de vous dire, c'est à savoir qu'à partir de quoi que ce soit qui se dise, qui s'énonce, et les choses pour lui sont telles qu'il ne peut faire que d'avancer l'idée de l'univers. Il la symbolise par un chiffre qui y convient, c'est le chiffre 1. Il écrira donc de tout ce qui se propose comme notable, notable dans cet univers. Il écrira donc X. Il le laisse vide, cet X, puisque c'est là le principe de l'usage de cette lettre, c'est quoi que ce soit qui soit notable dans l'univers. Si vous trimballez ça, ça m'aidera à aller au tableau. Oui. X, écrit-il, multiplié par 1 moins X, ceci ne peut que s'égaler à 0. Ceci ne peut pour peu qu'on donne ce sens à la multiplication de noter l'intersection. C'est de là qu'il part. C'est en tant que X est notable dans l'univers que quelque chose se sustente seulement du nom, aux hommes s'opposant les non-hommes comme tels, tout ce qui subsiste comme notable étant là considéré comme subsistant comme tel. Or, il est clair que ce qui est notable n'est pas comme tel individuel, que déjà dans cette façon de poser l'existence logique, il y a quelque chose qui, dès le départ, paraît fâcheux. Comment se fait-il qu'il soit posé sans critique? Le thème posé de l'univers. Si je crois pouvoir cette année supporter du nœud borroméen quelque chose qui, certes, n'est pas une définition du sujet comme tel d'un univers. C'est en cela, fais-je une fois de plus remarquer, que ma tentative n'a rien de métaphysique. Je veux dire à ce propos que la métaphysique est ce qui se distingue de supposer comme tel le sujet. Le sujet d'une connaissance. C'est en tant qu'elle suppose un sujet que la métaphysique se distingue. Se distingue de ce dont, ici, j'essaie d'articuler les éléments. À savoir, ceux d'une pratique. Et ceci, dans le fil de l'avoir défini comme se distinguant de quelque chose qui est de pure place, de pure topologie, et qui fait de là s'engendrer la définition située seulement de la place de cette pratique, de ce qui s'annonce dès lors, s'avance comme étant trois autres discours. C'est là un fait discours, un fait par lequel j'essaie donner au discours analytique sa place d'existence. Qu'est-ce qui, à proprement parler, existe ? N'existe, comme l'orthographe dont je modifie ce terme, le marque, n'existe dans toute pratique que ce qui fait fondement du dire. Je veux dire ce que le dire apporte comme instance dans cette pratique. C'est à ce titre que j'essaie de situer sous ces trois termes le symbolique, l'imaginaire et le réel, la triple catégorie qui fait nœud et par là donne sens à cette pratique. Car cette pratique non seulement a un sens, mais fait surgir un type de sens qui éclaire les autres sens au point de les remettre en cause, je veux dire de les suspendre. À quoi, comme articulation, articulation dont au terme d'un progrès fait pour susciter chez ceux qui soutiennent cette pratique l'idée de ce qu'est pour eux le réel, je dis le réel, c'est l'écriture. L'écriture de rien d'autre que ce nœud tel qu'il s'écrit, pour le dire, tel qu'il s'écrit quand il est, selon la loi de l'écriture, mis à plat. Et je soumets ce que j'énonce à cette épreuve de être suspens. La distinction justement subjective de l'imaginaire, du symbolique et du réel, en tant qu'il pourrait, en quelque sorte, déjà porter avec eux un sens qui les hiérarchiserait, en ferait un 1, 2, 3, bien sûr. Ceci n'évitera pas que nous ne retombions sur un autre sens, comme déjà il a pu vous apparaître du fait de ce que j'accentue, l'association du réel avec un 3, l'imaginaire avec un 2, et du réel, justement, et du symbolique, justement, avec l'un. Quelque chose dans les termes du symbolique, se pose comme un. Est-ce un un soutenable d'aucune individuation dans l'univers? C'est la question que je pose, et dès maintenant, je l'avancerai sous cette forme, c'est à savoir de poser la question à propos de l'écriture de Boulle, si le 1 que Boulle avance comme suffisant à répartir la vérité, si il y a X, il n'est pas vrai que si que l'X soustrait du 1 soit autre chose que tout le reste de Noma. Il n'y a là rien que de saisissant à constater que Boulle lui-même a écrire ce qui résulte de l'écriture de ces termes dans une formule mathématique, soit amené à y fonder que le propre de tout X en tant qu'énoncé, c'est que X moins X2 égale 0, ce qui s'écrit X égale X2. Je veux dire à se supporter d'une formule mathématique. Il est étrange que là, une note de son livre, du livre dont je vous ai donné tout à l'heure la date majeure, en ce sens que c'est à partir de là qu'un nouveau départ de la spéculation logique s'est pris, et qu'un nommé Charles Sanders Peirce, dont je vous ai déjà parlé, peut, par exemple, améliorer, à son dit, la formulation de Peirce en montrant qu'en certains points, il puisse en résulter qu'elle se fourvoie, disons. Ceci à mettre en évidence ce qui résulte des fonctions à deux variables, à savoir non pas seulement x, mais x et y, et en y montrant ce moi-même, j'ai cru devoir prendre que la fonction dite du rapport peut la servir à nous montrer que pour ce qui est du sexuel, ce rapport ne peut pas s'écrire. Pourquoi se demande Boulle, plutôt que d'écrire x égale x2 et l'inverse, ne pourrait-on écrire x égale x3? Il est frappant que Boulle ait ceci à partir de la notion de la vérité comme séparant radicalement ce qu'il en est de l'un et du zéro, car c'est du zéro qu'il connote l'erreur. Il est frappant que cet univers, dès lors solidaire comme tel de la fonction la vérité, lui paraissent limiter l'écriture de ce qu'il en est, de la fonction logique à la puissance 2 de x, quand la puissance 3, il cela refuse. Il cela refuse pour ceci, que mathématiquement, elle ne serait supposable dans l'écriture que d'y ajouter un nouveau terme du produit, ce qu'il ne se refuse certes pas quand il s'agit de faire fonctionner l'opération multiplication. Il écrit à l'occasion x, y, z. Et il peut, selon les cas, marquer qu'x, y, z, tels que les variables ont été situées d'une certaine fonction, que x, y, z, par exemple, égale aussi 0. Mais puisqu'il se limite à des valeurs 0 et 1, elle peut aussi bien prendre la fonction prenant sa valeur d'un certain chiffrage 0 et 1 pour chacun des trois, il peut faire x, y et z chacun égal à 1, s'apercevoir que ça n'est pas zéro qui en est le fruit. Ainsi, qu'est-ce qui peut l'empêcher d'ajouter à son 1 moins x un 1 plus x, et de l'ajouter non pas comme addition, de l'ajouter comme terme de la multiplication? Il voit alors très bien que 1 moins x multiplié par 1 plus x donnant 1 moins x2, il aboutira, je n'ai pas besoin de vous le souligner à ceci, c'est que x moins x3 sera égal à 0 et que de ce fait, x s'égalera à x3. Pourquoi s'arrête-t-il? S'arrête-t-il dans quoi? Dans l'interprétation de ce que pourrait être cet X, en tant justement qu'ajouté à l'univers. Est-ce que ce n'est pas le propre de ce qui, à l'univers, existe, que de s'y ajouter? C'est proprement que nous faisons tous les jours, Et justement, ce que je désigne d'un plus à le supporter de l'objet petit a. Mais alors, ceci nous suggère ceci, c'est à savoir de nous demander si le 1 dont il s'agit, c'est bel et bien l'univers à considérer en tant qu'ensemble, collection de tout ce qui y est individuel. Je suggère, mais suggéré, disons, à propos de cette écriture de boucle, de fonder ce qu'il institue de l'univers, car c'est comme tel qu'il l'articule, qu'il lui donne son sens, de supposer que ce 1, loin de surgir de l'univers surgit de la jouissance. De la jouissance, et pas n'importe laquelle, de la jouissance dite phallique, et ceci pour autant que l'expérience analytique nous en démontre l'importance, que de cette suite, ce qui se pose comme logique, comme signifiant, mais littéral, je veux dire inscriptible, en tant que l'inscription, c'est là que surgit dans notre expérience la fonction du réel, du moins si vivait que quelque chose comme un X à cette jouissance puisse s'ajouter et constituer ce que déjà j'ai défini comme fondant le plus de jouir. Il reste que Boulle est loin de ne pas indiquer que ce n'est pas seulement le rapport de la jouissance au plus de jouir. En tant que le plus de jouir, ce serait justement ce qui existe. Existe à quoi? Justement au nœud dont j'essaie pour l'instant de vous éclairer l'usage et la fonction. Il voit très bien que pour aboutir à la fonction x égale x3, et non plus seulement x2, il voit très bien que le tiers terme, le terme 1 plus x, peut s'écrire autrement, et nommément moins 1 moins x. Je veux dire moins 1 moins x, pris dans une parenthèse, ce qui équivaut mathématiquement, je veux dire, en tant que l'écriture et ce qui est mathématique, ce qui peut s'inscrire aussi d'un moins avant la parenthèse et de 1 plus x mis à l'intérieur. C'est équivalent à l'addition moins 1 moins x, tel que Boulle les ajoute pour les repousser, repousser en tant que la logique serait destinée à assurer le statut de la vérité. Mais pour l'instant, ce à quoi nous visons n'est pas de donner son statut à la vérité, puisque la vérité, nous le disons, s'énonce jamais que midi qu'il est proprement impensable, sinon au lieu du dit, de marquer qu'une proposition n'est pas vraie et de la marquer d'une barre supérieure qui l'exclut, est la marque du signe du faux. Dans l'ordre des choses, en tant que le symbole est fait pour y exister, dans cet ordre des choses, il est proprement, quoi qu'en dise Boule, et tu nous prétendant faire le statut de la pensée, il est impensable, justement, il est impensable de cliver quoi que ce soit de dénommable, de le cliver d'un pur nom pour désigner qui n'est pas nommé. Est-ce à dire que nous devions mettre à l'épreuve ce qui résulte du x3 égale x? Assurément, c'est déjà quelque chose d'y voir fonctionner ce 3 dont je marque comme tel le réel. Et c'est ici que nous allons prendre notre nœud borroméen. Le nœud borroméen si tant est que son énoncé existe à la pratique analytique, que c'est lui qui permet de la supporter, je voudrais à vous en montrer une fois de plus l'exemple dans cet espace qui est l'autre, sans que nous sachions à l'heure qu'il est, et ceci malgré citation d'Aristote, quel est le nombre des dimensions de cet espace, j'entends celui-là même où des choses nommons. Regardez, ceci est la même chose que ce que j'ai d'abord dessiné au tableau. C'est à savoir que vous avez ici un rond de ficelle, comme on l'a appelé justement la première fois que j'ai introduit cette fonction, ce rond de ficelle, ces trois ronds de ficelle, les voici. Vous voyez qu'ils tiennent ensemble, ils tiennent pour autant que il y en a ici un que j'ai mis horizontal, les deux autres étant verticaux et les verticaux se croisant. Évident que ceci n'est pas nouable, n'est pas dénouable. Le nœud borroméen a fait, comme tel, travailler beaucoup de personnes ici, qui m'en ont même envoyé des témoignages. Celui-ci est sa forme la plus simple. Il est frappant que dans les travaux, de véritables travaux qui m'ont été envoyés sur ce point. Travaux qui font leur part à toutes sortes d'autres façons, il y en a d'innombrables, de nouer ces trois de façon telle qu'ils permettent, avec le dénouement d'un seul de ces trois ronds, de libérer exactement tous les autres, et je vous l'ai dit, quel qu'en soit le nombre. Mais pour nous limiter au 3, puisque ce 3 colle avec nos trois fonctions de l'imaginaire, du symbolique et du réel, ceci très précisément de ne pas les distinguer, de voir jusqu'où le fait qu'ils soient trois, et de ce fait d'en faire la logique même du réel, à savoir de voir quel moment nous allons pouvoir voir surgir simplement ces trois strictement équivalents. Vous pouvez immédiatement percevoir de ces trois de faire surgir l'amorce de ce qui y serait différenciation. La différenciation s'amorce. S'amorce de ceci, dont je suis étonné que dans ces travaux que j'ai reçus, personne ne me les fait remarquer. Voici, par ces trois, tels qu'ils sont ici disposés, sont déterminés, disons, 8 cadrans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en prends un quelconque, et de ce cadran, je tire la mise à plat, celle qu'ici vous allez voir là où vous êtes, mais à être où je suis, c'est certainement exactement pareil, c'est à savoir que vous voyez que quelque chose s'y trouve déjà du fait de la mise à plat, s'y trouve déjà orienté. Je veux dire que vous voyez certainement la même inscription du nœud qui est celle que je vois, c'est à savoir dans l'occasion, pour ce que je vous ai montré, à avoir pris mon nœud de la façon exhibée, c'est que par la mise à plat, quelque chose se dessine qui s'inscrit ensuite, forme qui s'inscrit de la dextrogyrie. Une fois mis à plat tel qu'il est et retourné, je sais d'avance que c'est la même dextrogyrie. Il suffit de faire ce petit travail, imaginer le retournement, et ceci aussi peut s'écrire, on verra que ça n'est pas l'image en miroir. Qu'à retourner le nœud borroméen, écrit, on verra que ça n'est pas l'image en miroir. Qu'à retourner le nœud borroméen, vous ne voyez pas quelque chose qui en est l'image en miroir. Est-ce que ceci ne rend pas d'autant plus frappant ce fait? C'est qu'à reprendre mes cadrans. Mettons que tout à l'heure, j'ai choisi, je ne sais pas si c'est effectivement ce que j'ai fait, celui-là, pour vous, en haut, à droite. Si je prends celui de, non seulement j'ai dit en haut et à droite, mais j'ai dit aussi en avant. Si je prends celui non plus en haut, à droite et en avant, mais en bas, à gauche, et en arrière, celui qui lui est strictement opposé, et si c'est de là que je pars, pour le mettre à plat, de la même façon que j'ai fait précédemment, il est tout à fait notable, et vous pourrez le vérifier. Ce qui résultera de cette mise à plat sera une façon dont le nœud se coince, dont le nœud se serre, exactement inverse, c'est à savoir l'évogie. Il sort donc du seul maniement, déjà, du nœud borroméen, il surgit une distinction qui est de l'ordre, de l'orientation. Si l'un est dans le sens des aiguilles d'une montre, l'autre sera dans le sens inverse. Il ne faut certes pas nous étonner. Nous étonner que quelque chose de cet ordre puisse se produire, puisque c'est dans la nature des choses que l'espace soit orienté, c'est même de là que procède la fonction dite de l'image en miroir et de toute symétrie de façon générale. Je m'excuse de l'âpreté de ce que mon discours d'aujourd'hui implique. Simplement, je vous note que ce fait de l'orientation pour les cadrans opposés est quelque chose qui nous indique, déjà qu'il est conforme à la structure, le seul fait que l'orientation surgisse du seul support nodal, dont ici je prends arme, il est constable de ces ronds eux-mêmes y marquer un sens, c'est-à-dire une orientation. En d'autres termes, pour prendre le dernier, nous poser question qui résiste, se faire l'usage d'une orientation conforme à celle que nous avons obtenue de deux aspects, de deux seulement qui sont différentes, c'est à savoir de nous rendre compte qu'il en résultera une figure telle que sa périphérie marquera de ce fait la même orientation. Que faut-il pour que une de ces figures se transforme dans l'autre également complète. J'avais vu à mon hésitation la marque même de la difficulté qui se rencontre dans le maniement des 10 rondes ficelles. Celle-ci est l'image de l'autre en miroir. Mais qu'est-ce qui suffit à transformer l'une dans l'autre? Quelque chose qui est définissable de la très simple façon suivante. C'est à savoir que, tel que vous voyez le nœud de Roméen s'étaler, vous voyez que l'un quelconque d'entre eux se manifeste de couper chacun des deux autres d'une façon telle que l'un étant libéré, l'un étant sectionné, les deux autres soient libres. Ce qui veut dire que un de ces ronds de tourner autour d'un des deux autres et que ceci à soi tout seul nous donnera un nouveau nœud borroméen. La loi de ce qui se passe dans l'occasion est celle-ci. Vous n'avez ici qu'à excuse de ne pas avoir de sa couleur. De la crayon, qu'est-ce qui se passe si nous rabattons un de ces meubles, un de ces ronds autour d'un autre, c'est très exactement ce que nous obtenons. Nous obtenons de fait une nouvelle certitude, puisque c'est le passé, l'ancienne, nous obtenons une nouvelle figure qui a pour propriété d'être de l'effet de celle-ci. c'est à savoir. Vous le voyez. Nous avons ce qui est invariable et deux d'orientation de leur courbe, les choses se complétant. Résulte c'est une orientation totalement différente du serrage du nœud. À savoir que du seul fait que nous ayons renversé un verrou, les deux autres éléments, ceux que nous n'avons pas inversés, les deux autres éléments changent de direction. Je veux dire que, comme il est concevable, le segment que j'affectionne, dans ce cas-là, le segment que je trouve sectionné par retournement de ce rond qui était d'abord là, le segment a changé de sens. C'est à savoir à l'un. À celui-ci, cet autre segment et celui-ci viennent se raccorder d'une façon que nous appellerons, si vous le voulez bien, centripète. Alors qu'auparavant, les trois étaient centrifuges. C'est bien en quoi, quand nous retournerons un rond de ficelle de plus, ce rond de ficelle restera dans son orientation primitive pour le segment lui-même que nous allons avoir à savoir. Je suis maintenant, après avoir retourné A, nous retournons B, et je pourrais garder le sens centripète. Mais alors, ce sont les deux autres, à savoir un centrifuge et un centripète, qui s'inverseront de sorte que le résultat en sera le centripète et non centrifuge et nous aurons de nouveau un centrifuge et deux centripètes. Mais celui qui sera centrifuge sera un des centripètes retournés. Est-ce que faut que je refasse tout ou est-ce que quelqu'un a suivi? Je me suis exposé à ne même pas regarder de notes pour cette simple raison, c'est que c'est la difficulté même du maniement. Le peu imaginable, si on peut dire, de ce nœud borroméen dans le monde, nous essayons de tirer parti, c'est cela même que je ne suis pas mécontent enfin, de mettre en valeur. Voilà, après le On m'a posé la question. On m'a posé la question dans un endroit où on travaillait. On m'a posé la question de savoir quel rapport avait ce nœud borroméen avec ce que j'avais énoncé des quatre, je dirais, options dites d'identification sexuée. En d'autres termes, quel rapport pouvait avoir ceci avec je vais maintenant essayer de et en avant. Se rendre plus telle est venue j'appellerais l'en profondeur. Nous appellerons celui-ci le haut et celui-ci le plat. Bon. Alors. Le plat. Bien sûr. Parce qu'après tout, je m'aperçois que ça ne va pas si aisément. Bon. L'important est ceci. Donc, avec inversion de l'évogyrie, n'est-ce pas? C'est-à-dire, passage à la dextrogyrie, que celui qui est fait en bas était un lévogyre. C'est ainsi, parce que tel que les nœuds sont disposés, tel que les rondes ficelles sont disposées, c'est ainsi que Donc nous avons là une inversion. Je veux dire que pour prendre les choses à les placer, par exemple, dans ce cadran-là, n'est-ce pas ? Nous avons abattu dans celui-ci, nous avons une première inversion. Abattu dans celui-ci, nous avons une seconde inversion. Donc, dans quelque direction, à condition que ce soit une direction de symétrie par rapport à un des plans d'intersection, nous avons aux trois extrémités du changement de l'extrémité, nous avons une inversion. Bon. Si nous passons par ici, c'est-à-dire quand nous sommes du haut en bas, nous avons une nouvelle inversion, c'est-à-dire un retour qui était ici, il est revenu. Ces opérations sont commutatives, à savoir qu'à partir d'un titre, nous arrivons au même retour. Dans d'autres termes, c'est au 4, points d'opposition, c'est-à-dire sur les 8 ans, à 4 cadrans qui est imitable par l'inscription dans le titre d'un tétraèdre, cet axe-là que nous allons voir apparaître, 4 figures homogènes, toutes les trois dans l'occasion. L'ébogie, puisque nous sommes partis d'un l'ébogie. Bon. Qu'en résulte-t-il? Comment considérer cette multiplication, si je puis dire, par 4, de ce qui résulte de simplement la mise à plat ou l'écriture du nœud boroméen. Je propose simplement ceci, que l'heure, j'en aurai à commenter de la prochaine fois, si, comme vous faites le voir, c'est une figure tétraédrique qui fait. Une figure tétraédrique en tant qu'elle est produite par la bascule de deux des rondes ficelles. Et on peut dire de quel qu'il soit, nous revenons à la figure l'ébogir pour la spécifier, nous y revenons quel que soit celui des deux qui a été rabattu. Il en restera un qui n'a pas été rabattu. Celui qui reste est évidemment le troisième. Je veux dire, celui qui reste après deux autres ait été rabattu. Que, par exemple, si nous faisons ces rondes ficelles, le symbolique, l'imaginaire et le réel, qui restera enfin et qui restera dans une position centrifuge, ceci Encore faut-il que vous le vérifiez. Je veux dire que vous vous aperceviez que c'est à basculer S et I qu'à la fin, le R reste centrifuge. Il y a pour cela une bonne raison. C'est que si vous avez bien vu la figure dernière, c'est le R, à savoir, disons le réel, qu'il faudra basculer pour obtenir la figure dernière qui elle-même sera dextrosive et sera tout entière centrifuge. C'est une façon commode pour vous de retenir ce qu'il en est au deuxième temps de ce qui se passe après deux bascules, puisque vous devez, comme je vous le montrais, vous devez tout à l'heure retrouver dans le cadre strictement opposé. Celui dont je vous ai parlé quand je vous ai fait cette remarque de ce qui n'avait pas été trouvé, à savoir qu'en passant d'un cadran au cadran strictement opposé, au cadran contradictoire, au cadran diagonal, nous obtenons un nœud. Non plus, si nous sommes partis du Lévogir, nous obtenons un nœud dextrosie. Bien. Donc, vérifiez tout ceci à l'occasion, en faisant des petites manipulations comme celle que j'ai si bien ratée devant vous, et vous verrez en somme ceci. Qu'à se maintenir dans le nœud Lévogir, nous obtenons ce mécanisme dédié à l'épreuve. Vous voyez comment se passe. Vous pouvez faire reproduire ici par exemple, vous avez un point à la question. Il n'est pas un arrêt, n'est-ce pas? Il est un arrêt. Vous reconstituerez le cube à partir de ceci, c'est que c'est toujours dans une disposition diagonale que se trouve la diagonale par rapport à une des faces du cube, que se trouvent les cadrans qui sont de la même espèce d'orientation, et nommément dans l'occasion de l'espèce Lévogir. Je vais seulement vous suggérer ceci. Et puis encore, à partir de la fonction de la jouissance, il en sort que quelque part dans une de ces extrémités du tétraèdre, quelque part se situe le n'y a pas fixe à dire non à ce qui veut. Quelque part, nous allons dire, il y a quelque chose non à dire. Quelque part, il y a à de l'esprit, à savoir que tout en fond, en fonction quelque part, vous avez pas tout. Ce n'est pas pour rien que j'ai mis cette porte, à savoir une forme de barre. Nous aurons en quelque sorte à mettre en question ceci. Le pas. Non pas le pas exclusif, comme celui tout à l'heure. Le pas de qui est à dire non à la fonction salaire. Nous aurons d'autre part ce qui, oui, mais qui est dédoublé, à savoir qu'il y a le tout, le pas, et d'autre part, le pas tout. Autrement dit, que j'ai qualifié du pas tout. Il ne vous apparaît pas que c'est là un programme, à savoir prendre par la prière qui fait à l'examen, prendre la critique de ce qu'il y en est du pas, de ce qu'implique le dire non, c'est à savoir l'interdit. Et très nommément, en fin de compte, ceci se spécifiant de dire non à la fonction fidélique, dit non à la fonction salique. Le dire non à la fonction salique, c'est ce que nous appelons dans le discours analytique la fonction de la castration. Il y a ce qui dit oui à la fonction phallique et le dit en tant que tout. C'est-à-dire, très nommément, qui est affecté par la définition de ce que nous appelons l'homme. Vous savez que le pas tout a très essentiellement servi à marquer que il n'y a pas que la femme, c'est à savoir qu'il n'y en a dire que diverse, c'est en quelque sorte une farine, et que tout cela se trouve en quelque sorte dominé par la fonction privilégiée de ceci. Qu'il n'y en a néanmoins pas une à représenter le dire qui interdit, à savoir l'absolument non. Voilà. Alors, puisqu'il y a un examen maintenant, j'ai simplement amorcé la chose aujourd'hui. Je vous demande pardon d'y avoir mis si longtemps. Nous reprendrons la prochaine. Voilà. D'écriture. Il se trouve en somme vrai. Le discours comme tel, la notion, la fonction du discours ne devait venir que plus tard. C'est pour autant que ce discours est ou se situe un lien social. Et donc, il faut le dire, politique. C'est autant que ce discours le situe que j'ai parlé de discours. Mais je ne partais que de l'expérience. Et dans cette expérience, il est clair que le langage, que quelque chose qui contestablement s'impose de la pratique de l'analyse, que la pratique de l'analyse est fondée sur un pathétique qu'il s'agit de situer, et il s'agit de situer comment on y intervient. Intervenir fait surgir la notion d'acte. Il est essentiel également de la pensée, cette notion d'acte, et de démontrer comment il peut venir à consister d'un dire. C'est dans le temps, comme on dit, cru devoir faire remarquer que l'analyse non seulement n'opère que de parole, mais se spécifie de n'opérer que de cela. Refusant cette intervention sur le corps, par exemple, qui passe par l'absorption sous une forme quelconque de substance qui entre dès lors dans la dynamique chimique du corps, par exemple. Le médicament, on appelle cela. Bon. Le point où j'en suis, c'est simplement quelque chose comme le tour, n'est-ce pas, certes, que vous voyez ici dessiné, c'est que il y a un lien, mais il s'agit de savoir lequel, entre le sexe et la parole. C'est clair que le sexe comporte la dualité de la structure corporelle. Dualité qui se réfléchit en cascade, si l'on peut dire, sur la dualité, par exemple, du somen, du soma et du germen, sur l'opposition du vivant au monde inanimé, etc. La notion de dualité suffit-elle à homogénéiser tout ce qui est deux? Vous voyez tout de suite que ce n'est pas vrai. La seule énumération que j'ai faite, n'est-ce pas, de la dualité de structure corporelle, de la dualité du soma et du germen, de la position du vivant au monde inanimé, ça doit vous suffire à voir que cette polarité, pour l'appeler par son nom, n'homogénéise nullement la série des pôles dont il s'agit, n'est-ce pas? Ne suffit d'aucune façon à faire que la notion de monde ou d'univers soit corrélé à cette chose impensable qu'est le sujet, en tant qu'il serait quoi? Le reflet, la conscience du monde. Et ceci en raison de ce que j'appellerais le pathétique des sens. Pas lieu de s'émerveiller qu'il y ait un être pour connaître, quoi, le reste, n'est-ce pas? Et c'est évidemment de tout temps que la métaphore du rapport sexuel a été employée pour cette dualité patente. Patente, mais spécifiée, locale, distincte des autres dualités. D'où l'accent donné au mot « connaître », d'où aussi l'idée d'actif et de passif, sans qu'on puisse savoir d'ailleurs, dans cette polarité dite du sujet et du monde, où est l'actif, où est le passif, n'est-ce pas? Il n'y a aucun besoin d'un actif pour que le pathétique subsiste et s'atteste dans notre vécu, comme on dit, n'est-ce pas? Nous souffrons. C'est de ça qu'il s'agit quand il s'agit de l'analyse. Nous agissons aussi pour en sortir de cette souffrance. Et à l'occasion, nous y mettons à beaucoup. Il s'agit de savoir ce que sont deux personnes, comme on dit, c'est-à-dire deux animaux situés d'une organisation politique très spécifiée, parce que j'ai appelé un discours, il s'agit de savoir ce qu'elle tire d'un échange ritualisé de paroles et ce qu'on appelle, ce qui est supposé être en jeu dans cet exercice, à savoir l'inconscient. Là, j'essaie de vous dire, il y a du savoir dans le réel. Fonctionne sans que nous puissions savoir comment l'articulation se fait lorsque nous sommes habitués à voir se réaliser. Est-ce de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? Et qu'il nous faudrait bien admettre, n'est-ce pas, comme relevant d'une pensée ordonnatrice. C'est le parti que prennent religion et métaphysique, qui sont en cela du même côté. Elles se donnent la main dans les suppositions qu'elles ordonnent à l'être. Alors, ce que je veux dire, c'est que le savoir inconscient, celui que suppose Freud, se distingue de ce savoir dans le réel tel que, quoi qu'on en ait, même la science arrive à le faire providentiel. C'est-à-dire que quelque chose, un sujet, l'assure comme harmonique. Ce qu'avance Freud, mais ce n'est pas tout, je le note en passant, c'est qu'il n'est pas providentiel, c'est qu'il est dramatique. Faites quelque chose qui part d'un défaut dans l'être, d'une désharmonie entre la pensée et le monde, et que ce savoir est au cœur de ce quelque chose que nous dénommons existence, parce qu'elle insiste du dehors et qu'elle est dérangeante. C'est dans ce sens que le rapport sexuel se montre chez l'être, que je ne suis pas le seul à caractériser d'être parlant, n'est-ce pas, qu'il se montre dérangé. Ceci en contraste avec tout ce qui semble se passer chez les autres êtres. C'est même de là qu'est venue la distinction de la nature et de la culture. Et très précisément, cette nature, si je puis dire, il nous faut bien ici la caractériser de n'être pas si naturelle que ça. Parce que de là où nous vivons, la nature ne s'impose pas. À nous, ce qui s'impose, c'est un autre mode de se savoir, un savoir qui, d'aucune façon, n'est attribuable à un sujet qui présiderait à l'ordre, qui présiderait à l'harmonie. Et c'est en cela que, tout d'abord, dans mes premiers énoncés, pour caractériser l'inconscient de Freud, il y avait une formule que je me trouve, où je suis revenu plusieurs fois, que je me trouve avoir avancé à Sainte-Anne, qui est celle-ci. Dieu ne croit pas en Dieu. Dire Dieu ne croit pas en Dieu, c'est exactement dire la même chose que dire il y a de l'inconscient. Bien sûr, l'ordre d'auditoire, n'est-ce pas, que j'avais alors, à savoir les psychanalystes, enfin, tels qu'ils pouvaient à cette époque se présenter, ça ne faisait aucun effet. Ça ne faisait aucun effet, mis à part ceci de qu'ils se posassent la question si moi j'y croyais, enfin, il y a quelqu'un depuis, enfin, n'est-ce pas, qui m'a défini en disant que j'étais quelqu'un qui croyait qu'il était Lacan, n'est-ce pas. C'était la façon dont j'avais moi-même défini Napoléon, mais sur la fin de sa vie, enfin, au moment où, en somme, mon Dieu, il était fou, n'est-ce pas, car croire en son propre nom, enfin, c'en est la définition même. Bon, contrairement à ce que imaginait le nommé Gabriel Marcel, enfin, je ne crois pas en Lacan, enfin, mais je pose la question de savoir s'il n'y a pas strict consistance entre ce que Freud avance, n'est-ce pas, comme étant l'inconscient, et le fait que Dieu n'y ait personne pour y croire, surtout pas lui-même, car c'est en ça que consiste le savoir de l'inconscient. Savoir de l'inconscient est tout le contraire de l'instinct, c'est-à-dire de ce qui préside, enfin, non seulement à l'idée de nature, mais à toute idée d'harmonie. C'est pour autant que, quelque part, enfin, il y a cette faille qui fait que la chose la plus naturelle, si l'on peut dire, celle qui nous paraît, de notre point de vue, quand nous regardons, quoi, des animaux, soit de tout à fait autre, des objets dans le monde, nous faisons là-dessus toutes les extrapolation que nous pouvons, ce que nous constatons, c'est quelque chose qui, entre deux corps, semble faire quelque chose qui, incontestablement, est tout à fait différent d'ailleurs chez la plupart des espèces que le rapport du corps dit masculin à celui qui s'avoue féminin, à savoir que il y a en somme entre ces deux corps, je dirais, très peu de ressemblance. Alors que chez les animaux, ce qui est frappant, c'est à quel point le mâle et la femelle, disons le mot pour aller vite et indiquer ma pensée, enfin, sont narcissiques. Alors, je voudrais avancer aujourd'hui, parce qu'il faut quand même que j'avance quelque chose qui est important, n'est-ce pas? C'est que si j'ai mis l'accent sur ceci, ce qui au rapport sexuel fait obstacle, ce n'est rien d'autre que cette fonction que je me suis trouvé la dernière fois réécrire au tableau sous la forme de X, et donc ce n'est pas pour rien que je l'ai écrite ainsi mathématiquement. C'est pour autant que ce qui peut s'écrire, n'est-ce pas, j'y fais confiance d'être dans la bonne direction pour en atteindre le réel. Qu'est-ce à dire? Est-ce que, parce qu'ici il m'arrive quelquefois, pas dans toute la mesure où vous me le permettez à cause de ce micro, d'écrire des choses au tableau, est-ce que c'est là ce qui supporte ma relation avec vous telle qu'elle s'instaure dans ce discours? Je ne le crois pas. J'en pose sans cesse la question. Ce que je veux pointer ici, c'est ceci importe, c'est que je dis toujours la vérité, et que cela s'inscrit dans le symbolique, je dis toujours la vérité. Non pas seulement que je la répète, je ferai une voix qui fait exister un dire, et que votre rapport avec moi dans cette situation, c'est que cela vous fait jouir. J'en ai plus d'une fois posé la question. Enfin, je tourne autour, mais ce qui est certain, c'est que là se trouve l'accent, enfin, de ce juste dire que j'essaie d'énoncer. Pour autant que, ailleurs sans doute, je prends appui sur l'écriture, mais que c'est du côté de l'écriture que ce où interroger ce qu'il en est de l'inconscient. Quand je dis que l'inconscient, c'est quelque chose dans le réel, j'ai dit savoir d'un autre côté, mais j'ai aussi souligné ceci, que si cette dimension de savoir touche au bord du réel, que c'est à saisir, à jouer avec ce que j'appellerais enfin, les fronces, les bords. C'est pour autant que je fais foi à ceci, que seule l'écriture supporte comme telle ce réel, que je peux dire quelque chose qui soit orienté simplement orienté, parce que dire la vérité, c'est, si je puis dire, à la portée de tout le monde, d'une certaine façon. La vérité, pour nous, dans l'expérience analytique, c'est notre étoffe. C'est notre étoffe en quoi? En ceci qu'elle est la vérité sur ce pathétique, sur cette souffrance que, comme telle, j'ai désigné ce qui amène à ce cernage d'une expérience structurée comme un discours. Et ces discours, j'en ai tenté d'en faire l'articulation. Mais l'articulation écrite, ce n'est qu'en cela que quelque chose peut y témoigner du réel. Alors, de quoi s'agit-il quand, la dernière fois, je vous ai rappelé les quatre termes, les quatre ponctuations écrites de l'identification que je n'appellerai en l'occasion non pas sexuelle, mais sexuée. Quand j'ai rappelé que le nœud borroméen permettait de situer chacune de ces écritures dans quelque chose qui se repère à partir du nœud primitif, du nœud tel que je vous l'ai montré, comme j'ai pu, avec des ronds de ficelle que je tenais dans la main, dans les quatre cadrans qu'il détermine à partir d'une première mise à plat. Et d'une première mise à plat en ceci, qu'il faut que deux de ces ronds, et j'ai dit deux, et pas les mêmes, pas le même, puisqu'aussi bien si c'était le même, il reviendrait à la même place. C'est à savoir qu'il en faut deux différents pour que l'on parvienne à un cadran homologue au premier mise à plat. J'ai cru pouvoir à ce moment vous le montrer au tableau d'une façon qui était évidemment aventurée, puisque, comme vous avez pu le voir, et à ma grande exaspération, j'y ai pataugé parce que, chose curieuse, il y a, en somme, c'est cela que cette expérience signifie, il y a quelque chose encore maîtrisé dans, vous savez, je vous l'ai indiqué, je vous le rappelle, de non encore maîtrisé dans ce qui est de l'ordre des nœuds. C'est étrange, c'est singulier, quoi, qu'il y a déjà quelque chose a pu en être avancé, que le nœud borroméen ait été identifié à la tresse à 6 mouvements, si c'est pas 3, comme il semblerait pouvoir y paraître, c'est déjà quelque chose. Et aujourd'hui, ce que je montre à m'être rapporté à ce que je vous avais déjà marqué, déjà écrit comme étant la forme la plus simple du nœud borroméen, qui est très exacte, c'est-à-dire celle où nulle part il y a un troisième rond, le troisième rond ici étant représenté de part droite, que vous permettez de supposer infini, c'est une position tout à fait capitale et en elle-même éclairante, dirais-je, éclairante en ceci qu'il est connu, c'est la première remarque que toute élaboration des nœuds, celle d'un Artin par exemple, dont peut-être vous connaissez le volume, certains d'entre vous en tout cas se le sont sûrement procurés, d'un Artin qui dit ceci, c'est qu'il n'y a qu'une seule façon sur une simple ligne d'affirmer que le nœud ne peut pas être dénoué, c'est de deux choses l'une, ou que ces deux bouts s'étendent en effet à l'infini, impossible de méconnaître quoi que ce soit formé en eux, ou que les deux bouts s'en rejoignent, auquel cas ils se contrôlent, si oui ou non, c'est bien un nœud. Qu'est-ce que ceci nous suggère comme remarque? C'est que cette droite dont on dit borroméen en l'occasion, ceci, de croiser les nœuds, je dirais de façon couple premier, mais dans le couple second. Du même coup, impose l'alternance, à savoir coupera le premier et sera coupé par le second qui rencontre en tant que lui-même un terme premier rond. Il coupera donc les deux fois le rond bleu, de même qu'il sera coupé par les deux fois par le rond vert. Le rond bleu et le rond vert, et ce qui distingue ceci, c'est que le rond bleu coupe le rond vert. C'est donc d'un rapport triadique que se situe dans l'occasion ce qui fait le nœud, et vous pouvez voir que la droite infinie impose ceci, qu'on ne peut lui donner aucune orientation, car d'où part-elle? Il faut savoir. Il y a un début pour que par rapport à ce début, une orientation soit prise. Par contre, il suffit que cette droite infinie soit raboutée en rond, pour exprimer d'une façon qui n'implique nulle forme géométrique, mais seulement une consistance, pour que, du fait même, celui de nom consistance de rond, ils apparaissent quelque chose qui est l'ordre de l'orientation, non pas sur ce que j'ai appelé à l'instant cette droite que tout d'un coup j'ai faite rond, mais dans le nœud lui-même, car vous voyez, je vous l'ai marqué chaque fois par une correspondance, que c'est du fait que l'individu, ici, Bessier, c'est du fait qu'il est mis à plat sous la forme d'un rond, c'est de ce fait et de rien d'autre qu'apparaît ici cette orientation que je vais appeler l'évogie, si je m'oblige à suivre la direction que m'indique chacun des trois. À l'extérieur du nœud qu'ils font, alors que, de l'autre côté, c'est tout différemment, à savoir, ici, d'extrogyre, que pour autant que nous prenons les choses sous cette forme que nous avons ici une fois d'extrogyre, de même que c'est pour autant que nous prenons les choses sous le bord, sous le côté opposé à ce qui se au point où nous avons abattu la ligne orange, que nous avons ici une forme l'évogie. Ça veut dire que du même coup ceci. C'est que, par rapport à ce qui s'est inversé, à savoir la ignorance, il y a inversion du côté. Facile de comprendre, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer la dernière fois, à savoir qu'en rabattant un des ronds de ficelle par rapport aux deux autres, ce que nous trouvons, c'est bien entendu que c'est ailleurs sur un de ces cercles, à savoir que c'est celui qui est ici, le bleu, que c'est ailleurs que nous trouvons le coupé, autrement dit que la ligne jaune, pour autant que c'est elle que nous avons rabattue, se continue et coupe. Il y a donc à chaque fois quelque chose qui change dans l'orientation du nœud. Chaque fois que nous passons d'un cadran dans un autre, il y a quelque chose qui change dans l'orientation du nœud. Et c'est en cela que les nœuds se spécifient 4 par 4, qu'ils ont ce rapport entre eux que j'ai qualifié l'autre jour de tétraédrique et où j'ai voulu reconnaître ce qu'il en est du mode des quatre places réservées au mode de l'identification dite sexuée. Il est évidemment frappant que vous voyez qu'aujourd'hui encore, n'est-ce pas, je me suis trouvé, même sous cette forme ultra simple, en difficulté, n'est-ce pas, à vous faire sentir, en difficulté à le démontrer moi-même dans l'écriture, ce qu'il en est de l'effet de rabattement, pour autant que déjà dont il s'agit est un des termes choisis comme tel et distingué des deux autres en quelque sorte préalablement. Il est certain que c'est en ceci que cet objet d'écriture nous présente quelque chose de particulièrement saisissant. C'est que voilà une écriture qu'en quelque sorte, je dirais que nous maîtrisons difficilement. C'est frappant que déjà dans un second temps, c'est-à-dire après avoir cru que je m'en tirerais bien à mon aise par cet artifice, que je me suis trouvé de nouveau avec cette écriture m'embarrasser, enfin m'embrouiller. Est-ce que là signe de quelque chose qui à quoi après tout, il n'aurait pas été inconcevable que c'est quelque chose qui s'est dessiné dans une géométrie développée qui a fonctionné effectivement tout à fait comme écriture, écriture parfois s'est amorcé la science, je veux dire, dans la géométrie grecque. Il est tout à fait frappant de voir que ça aurait pu aussi bien être dans un effort concernant le coinçage, par exemple, aussi, quand il y a par rapport à la ligne qui sert à constituer à proprement parler comme mieux, de même que un rabat ici, nous voyons bien manifestement coinçant quelque chose, coinçant quoi dire, sinon ce dont il s'agit, c'est à savoir quelque chose de coincé, il n'y a rien à en dire de plus, et c'est ce coincé qui est en cause, dans cette fonction, par quoi, pour lire le rapport du symbolique, de l'imaginaire, du réel, je dis que c'est là qu'est pris quelque chose qui, dans l'occasion, est bien en effet le sujet. Encore faut-il que quelque chose, je tente de l'éclairer en quelque sorte individualisant ce qu'est bien chacun de ces ronds, c'est à savoir en quoi le symbolique diffère de l'imaginaire et diffère du réel. Pour éclairer très vite, comme je peux le faire, pas plus cette lanterne, donnez-moi un cigare, dans cette lanterne, je dirais que le symbolique, j'avancerai que le symbolique est l'ordre du 1. Ce 1 que la dernière fois je vous ai déjà avancé comme constituant dans l'ordre logique qu'essaie de construire notre boule comme étant l'univers. Je vous ai fait remarquer en même temps qu'il y a là quelque chose de contestable, car c'est déjà poser une hypothèse que de faire de l'univers quelque chose de un. À l'encontre de ceci, et dans la ligne même où Boulle procède en posant la formule X facteur, entre parenthèses, de 1 moins X, et en la posant égale 0, à savoir, tout ce qui n'est pas X, c'est ce qui est X, soustrait à l'univers. Et leur produit, leur intersection, leur rencontre est strictement égal 0. C'est sur cette base que Boulle croit pouvoir avancer une formalisation de ce qu'il en est de la logique. opposé, je propose. Je propose de donner au 1 la valeur de ce dans quoi, par mon discours, consiste en tant que c'est elle qui fait obstacle au rapport sexuel, à savoir la jouissance phallique. C'est pour autant que la jouissance phallique, et là, disons que la fait organe, je la suppose incarnée, parce que dans l'homme, il correspond comme organe. C'est pour autant que cette jouissance prend cet accent privilégié. Privilégié tel qu'elle s'impose dans tout ce qui est notre expérience analytique. C'est là autour, et parce que ce n'est que là autour, autour, l'individu lui-même sexué qui le supporte, c'est pour autant que cette jouissance privilégié que toute l'expérience analytique s'ordonne, et je propose ceci, que ce soit à elle de rapporter la fonction du 1 dans la formalisation logique telle que coule la promeuse. En d'autres termes, que s'il y a signifiant, et signifiant, ce n'est pas signe. Signifiant se distingue du signe en ceci que du signe nous pouvons faire circulation dans un monde objectivé. Le signe, c'est ce qui va de l'émetteur au récepteur, et ce qui au récepteur fait signe de l'émetteur. Mais c'est tout au contraire, sous la forme de ce que j'ai appelé le message reçu sous une forme inversée, que se pose le signifiant, pour qui c'est en tant qu'il a rapport à un autre signifiant qu'il fait surgir un sujet, à savoir dans sa configuration. Ce qui se suggère de ceci, c'est que pour autant quelque chose qui est désigné d'emboule par un X, quelque chose se précipite comme signifiant. Ce signifiant est en quelque sorte dérobé, soustrait, emprunté à la jouissance phallique elle-même. Et c'est en tant que signifiant en est le substitut, faire obstacle à ce que jamais s'en écrive ce que j'appelle le rapport sexuel. Je veux dire quelque chose qui serait supposé pouvoir être écrit X, grand R, et puis Y, à savoir que d'aucune façon puisse s'écrire d'une façon mathématique ce qu'il en est. présente comme fonction au regard de la fonction phallique elle-même. Je veux dire que c'est pour autant que ce qui s'écrit, c'est E de X, non phi de X, négation de la fonction phallique elle-même, et tout à l'opposé, qu'il n'y en ait pas, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de X pour dénier la fonction phi de X, pour s'y opposer, et qu'inversement, j'introduise au niveau de l'universel ce quelque chose qui, adhérant à la fonction phallique, se caractérise d'un côté par un grand A, grandeur universel, un grand A inversé, vous savez, c'est ainsi que cela s'écrit, mais dans l'autre, il met une barre négative, c'est-à-dire dit qu'il y a quelque part une fonction qui se distingue de n'être pas toute. Pas toute, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'on puisse dire, c'est qu'il y en ait deux. C'est dans la mesure où, au niveau où s'articule ce pas tout, il n'y a pas qu'une jouissance. Ici, n'allez pas trop vite. Ici, n'allez pas trop vite et n'allez pas supposer que ce que je distingue, c'est je ne sais quoi, comme ce qui sexuellement répondrait à cette prétendue division de la jouissance dite clitoridienne à la jouissance dite vaginale. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Ce dont je parle, c'est de cette distinction qu'il faut faire de la jouissance phallique en tant que chez l'être parlant, elle prévaut. Et que c'est de là qu'est dérobée toute la fonction de la signifiance. Qu'il y a une distinction à faire entre cette jouissance prévalente, pour autant qu'elle fait obstacle à ce qu'il en est du rapport sexuel, qu'il y a une distinction à faire de cette jouissance avec ceci, que à côté, je vous l'ai introduit l'autre jour, je pense suffisamment avec ce qu'il en était de l'arbre dit, la science du bien et du mal, il y a ceci que, assurément, l'animal se distingue de subsister non seulement en un corps, mais que ce corps, comme tel, ne s'identifie n'a d'identité, non pas comme on le dit depuis toujours traditionnellement de la pensée, de ce je ne sais quoi, de ce qu'il pense, le ferait être, mais de ce qu'il jouisse de lui-même. Je veux dire qu'il n'y a pas seulement cette aperception, appréhension, sensation, pression, toucher, vu ou n'importe quel autre mode d'affectation par les sens, il y a que, en tant qu'il consiste, et qu'il consiste en un corps, ce dont il s'agit, c'est d'une jouissance, et d'une jouissance qui se trouve, d'après notre expérience, est d'un ordre autre que ce qu'il en est de la jouissance phallique. c'est ainsi que, que j'ai commencé le début de mon enseignement par authentifier, par originaliser de la relation imaginaire. C'est référence à ce que j'appellerais l'homologie, la ressemblance. Justement, cette partie qui est tellement vacillante quand il s'agit de l'être parlant, de l'homologie des corps que chez l'animal, il nous faille bien constater que la jouissance phallique, quelle qu'elle soit, n'a pas la même prévalence, n'a pas le même poids. Le même poids, en quelque sorte, d'opposition, n'est-ce pas, qu'il a au regard de la jouissance en tant que deux corps jouissent l'un de l'autre. C'est là qu'est la faille par où s'abîme, si l'on peut dire, dans l'expérience analytique, tout ce qui s'en donne de l'amour. Que si l'on parle, comme je l'ai dit, je l'ai évoqué antérieurement, que si l'on parle de nœud, c'est faire allusion à l'embrassement, à l'étreinte, mais autre chose est la façon dont fait irruption dans la vie de chacun cette jouissance qui soit appartient, si l'on peut dire, à l'un de ses corps, mais à l'autre apparaît que sous cette forme, si l'on peut dire, de référence à un autre comme tel, même si quelque chose dans le corps peut lui donner un support. Je veux dire au niveau de cet organe qui s'appelle le clitoris. C'est en tant qu'il nous faut concevoir le symbolique comme dérobé, soustrait à l'ordre 1 de la jouissance phallique, et en tant que le rapport des corps en tant que deux, de ce fait, ne peut passer par la référence, la réflexion à quelque chose qui est autre que le symbolique, qui en est distinct. Et c'est à savoir ce qui, d'ores et déjà du 3, apparaît dans la moindre écriture. Que le langage, en quelque sorte, sanctionne, c'est le fait que, dans sa formalisation, il impose autre chose que la simple homophonie du dire. C'est que c'est dans une lettre, et c'est en cela que signifiant montre cette précipitation par quoi l'être parlant peut avoir accès au réel. C'est pour autant que de toujours, chaque fois qu'il s'est agi de confiance, figurer quelque chose qui soit en quelque sorte la rencontre de ce qui s'aimait, comme plainte, comme énoncé d'une vérité. Chaque fois qu'il s'agit, tout ce qu'il en est de ce midi alterné, contrasté, chant alterné de ce qui laisse séparer en deux moitiés l'être parlant, chaque fois qu'il s'agit de cela, c'est toujours d'une référence à l'écriture que ce qui, dans le langage, peut être situé, trouve son réel. C'est en tant que j'essaierai de pousser plus loin cette référence au réel comme tiers, que je laisserai cela aujourd'hui, m'excusant de n'avoir pas vu plus d'avance. C'est incroyable. Bon.